avec des races en béton. Dans un enclos de gazon, je jardine au cyclone. Mes voisins comme moi, des détenus, des matons, l'apéro, la déco, les opinions et promotion. Pavillon, zombie. Pavillon, zombie. Tu habites un pavillon, avec des races en béton. Dans un enclos de gazon, tu jardines au cyclone. Des voisins comme toi, des détenus, des matons, l'apéro, la déco, les opinions et une promotion. Je peuple, tu peuples, je crève, tu crèves, capot de mes rêves. Tu peuples, je peuple, tu crèves, je crève, capot de tes rêves. Mon peuple, les peuples, on crève, ils crèvent, capot de nos rêves. Tout à la con, tout à la con, tout à la con, tout à la con, tout à la con, tout à la con, tout à la con. Je peuple, tu peuple, je crève, tu crèves, capot de mes rêves. Tu peuple, je peuple, tu crèves, je crève, capot de tes rêves. Pavillon, zombie. Pavillon.